Dominique, je voudrais qu'on revienne pour nos chers auditeurs sur l'histoire de ce groupe Ex Vagus. Donc tu nous as indiqué tout à l'heure l'origine, l'étymologie, le sens d'Ex Vagus, hein, donc on n'y revient pas. Mais ce groupe a été créé en quelle année ? Alors, il a été créé très exactement fin juin 95. C'était à la suite de la tournée d'adieu de Ange au Transbordeur de Lyon. Je me souviens très bien, juin 95. Et j'en avais tellement gros sur la patate quand je suis sorti du concert, puisque je suis complètement trempé jusqu'aux os de cette musique et de cette adrénaline depuis 1972. Et en sortant du Transbo, je me suis dit, je vais monter un groupe et on va faire de la reprise de Ange, parce qu'il est hors de question que cette musique s'arrête. Et j'avais mal compris, comme tout le monde d'ailleurs, hein, il ne s'agissait pas de adieu, au revoir, puisque la tournée s'appelait adieu, mais il s'agissait de A, trois petits points, Dieu, le Dieu, et ce qui était en fait, de la part de Christian Descamps, une offrande à ses fans. C'est la dernière tournée d'une formation qui ne serait plus sur scène après, mais Ange continuait, et moi j'avais compris que ça s'arrêtait. Donc l'origine d'Ex Vagus, c'est ça. Ouais, d'accord. Oui, enfin, c'est triste. Hein. Non, pas du tout. Je trouve que c'est très joli. Je souris parce que Silver Lining et Anoxy, le groupe qui était dans lequel j'étais avant, sont des groupes aussi qui ont été formés dans le sillage de Ange. Donc c'est effectivement une histoire, une story très très similaire. Et puis effectivement, je rebondis aussi sur l'aspect adieu, puisque adieu, je t'en remets adieu. Hein, c'est ça à l'origine, l'étymologie. Hein, c'est ce que je disais d'ailleurs ce matin à mon cours. Et goodbye, pareil, hein, que good God be with you, que Dieu soit avec toi. Donc effectivement, c'est pas nécessairement quelque chose de définitif. Donc cette formation, est-ce qu'elle est restée stable ou est-ce qu'il y a eu des variations comme dans tous les groupes ? Bien, elle est restée stable et elle a eu des variations. Les deux en général. La première stabilité, c'est moi, parce que je suis dans le groupe depuis l'origine. Mm-hmm. Il y a également depuis l'origine de la création deux musiciens, le guitariste Xavier et le batteur Thierry, qui à l'origine étaient là uniquement pour remplacer deux musiciens absents pendant les premières répètes. Ça, c'est donc je leur avais demandé d'être là pendant 15 jours, 3 semaines, juste pour me dépanner. Ça a dû leur plaire, parce qu'ils sont toujours là, ça fait 10 ans qu'ils sont pas partis. Peut-être que je leur explique. non, donc c'est ça la stabilité du groupe, c'est ce qu'on appelle le noyau d'Ex Vagus. Uh-huh. On a eu plusieurs bassistes, et là on a vraiment trouvé celui qui nous va bien, qui s'appelle Loïc. Et puis notre chanteur aussi qui s'appelle Eric, et maintenant on est vraiment un atome à 5 électrons. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on se définit. Mm-hmm. C'est également pour ceux qui vont faire un petit peu de recherche graphique, c'est l'origine des 5 petits points sur le E de Ex Vagus. Ah d'accord. C'est le noyau à 5 électrons. Ah d'accord. Ensuite, du point de vue de la stabilité, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions, puisque à l'origine on était censé, on voulait faire de la reprise de Ange, et puis on a très très vite mordu à l'hameçon, et puis on a très vite composé nos propres titres. En fait, des reprises de Ange, quand on en fait maintenant, c'est vraiment pour le plaisir. Mm-hmm. Si on joue fou, par exemple, c'est vraiment pour se faire plaisir. Ouais, pour le fun, ouais. Au niveau discographique, production discographique, vous avez fait combien d'albums ? Alors, nous avons fait un CD de démo, comme tous les groupes qui débutent. Mmh. Ensuite, on a un album live qui s'appelle Par-delà les légendes. Mmh. Alors, bien évidemment, il y a encore un petit clin d'œil à Ange, là, derrière. Mmh. Hein, puisque ça devait être le titre de l'album Émile Jacotet à l'époque. Hein, d'accord. Ce qui avait été refusé par la production, et ils avaient donc appelé l'album Émile Jacotet. Mmh. Donc ça, c'est un live c'est un concert unique qu'on a donné au château de Crussol vers Valence. Donc c'est toujours dans notre région, devant 4000 personnes. C'était une création opéra rock que nous avait demandé la ville de Crussol. D'accord. Ensuite, il y a un 3 titres studio qui s'appelle Cité Globale. Ouais, que je connais, oui. Et puis un opéra rock composé en 2004 qui s'appelle Seconde Lumière, qui a été chroniqué dans beaucoup de bons journaux, y compris Acid Dragon, n'est-ce pas? Merci. Mais le chroniqueur est juste à côté de moi en plus, alors ça tombe très bien. Heureusement qu'il en est du bien, hein. Non, on a eu, je crois, 2 critiques négatives. D'accord. Sur cet album, sur l'ensemble de toutes les critiques qu'on a eues, on a seulement eu 2 qui étaient négatives. D'accord. Est-ce qu'il s'est bien vendu? Allez, va, je te demande pas des chiffres parce qu'on travaille pas pour le fisc, mais est-ce que vous êtes content? Il est bien parti? Alors, il s'est très bien vendu puisqu'il est aujourd'hui quasi épuisé. Je crois que même le chanteur a revendu le sien pour... Même le chanteur est épuisé. Voilà, non, tout le monde n'est pas comme toi, Thierry. Tout le monde n'est pas épuisé le vendredi soir. C'est un album qui s'est très bien vendu. Même au Japon, je crois. Il s'est vendu au Japon et s'est vendu aux US aussi. Ouais, aux États-Unis aussi. Ouais. Malgré l'obstacle de la langue. Dans des petites quantités, hein, restons raisonnables. Ouais. Malgré l'obstacle de la langue. Mais je crois que pour les Japonais, il n'y a pas vraiment d'obstacle de la langue. Parce que contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de Japonais parlent le français. Ils n'osent pas le dire parce qu'ils sont perfectionnistes et ils refusent de s'exprimer s'ils ont la crainte de faire une erreur. Peut-être que les fans de Ange connaissent Akinori Matsumoto, qui habite Tokyo, qui est un fan de Ange, mais devant l'éternel, comme c'est absolument impossible de l'être, puisque il est directeur technique international d'une boîte qui fait la France et le Japon, et il cale absolument tous ses déplacements professionnels sur des concerts de Ange. Très d'accord. Mais c'est de la folie, il est capable de prendre un avion le vendredi, de se taper, je sais pas, ça doit faire 18 heures de vol pour venir de Tokyo, je dis un chiffre au hasard, mais on doit pas en être loin. Il va au concert, le lendemain matin, il repart. Crazy. Il connaît tout, il est capable de te dire à quel endroit dans Paris, dans quelle boutique on peut trouver la partition de tel titre de Ange. Il est absolument fabuleux. Moi, j'ai passé des soirées avec lui à m'émerveiller de la... Donc c'est vraiment de la perfection et ils sont toujours parfaits en tout, les Japonais. C'est vrai. Donc cet album 2004, hein, c'est ça, il est sorti déjà. 2004, c'est un 2004. On l'a monté en opéra rock. Qui a très bien marché. On avait fait un truc complètement délirant. On avait une sphère vidéo. Ouais, tu nous avais raconté ça l'autre fois. De 4 mètres de diamètre sur scène avec nous. Enfin, c'était de la folie. On s'est beaucoup amusé. Ça a vraiment très bien marché. Et 2005, il n'y a pas eu de production alors. 2005, on a composé l'album qu'on est en train d'enregistrer en ce moment. Et puis on avait des grosses dates en 2005, dont celle que j'ai sur le t-shirt. C'est-à-dire qu'Ex Vagus a joué au Spirit of 66, le temple du rock progressif en Europe. Allez, rappelle-nous rêver là, même si c'est une... Je vais pas te raconter le concert parce que le... Petite salle, même si elle est petite, mais elle est mythique. Ah bah elle est plus que mythique. Écoute, rien que dans les loges qui sont à peine plus grandes que l'endroit dans lequel on est actuellement, c'est absolument blindé des signatures de tous les plus grands musiciens du monde qui sont passés dans cette salle. Et quand le patron... du Spirit, Francis te dit s'il te plaît, tu pourrais mettre quelque chose pour Ex Vagus, t'oses même pas. Bah oui. Parce qu'il y a des signatures, c'est de la folie. Ouais. Écoute, moi, je te raconterai pas le concert parce que c'est difficile à raconter un concert, ça s'est extrêmement bien passé pour nous. Tout ce que je peux te dire, c'est que des concerts, j'en ai quand même fait un bon petit paquet dans ma petite vie. Celui-ci, il m'a rendu malade. Mais au point d'en carrément vomir dans le caniveau devant le Spirit. Et pourquoi? Parce que c'était impressionnant, parce que jouer au Spirit au 66, si un jour on jouait sur la scène de l'Olympia, je suis sûr que ça me ferait la même chose. Ah d'accord. C'est ce que respirent les murs qui me fait cet effet-là. Ah d'accord, vraiment le côté temple. Je me posais des tas de questions, est-ce qu'on mérite d'être là, etc. Enfin, si tu veux, l'angoisse est tellement montée fort, mais c'était pas une angoisse vis-à-vis de l'instrument ou de quoi que ce soit, c'était de savoir qu'on jouait dans cette salle. Ouais, je comprends. On l'avait tellement voulu que c'était énorme. Voilà. Il y a eu beaucoup de monde? Oh bah c'était blindé, hein, les... C'est-à-dire une centaine de personnes, un peu? Ah plus. Non, c'est plus que ça. Ah bon? Parce qu'on m'a dit que on rentrait 200 personnes maximum. Oh non, je pense qu'on rentre plus de 200 personnes. Ah ouais, quand même. Parce que c'est, la côte, c'est 3 personnes au mètre carré, je crois. C'est grand à peu près comme quoi par rapport à Lyon? Est-ce que tu peux, c'est grand comme le CCO à peu près? On va dire que c'est un peu plus petit que le CCO. Ouais. Si je peux le comparer, peut-être un Transbo Club. Ah d'accord. Pareil, okay. Ça doit être un Transbo Club en taille. Hein. Et alors l'accueil Le Transbo Club, ça fait 400 personnes. Ouais. Et l'accueil des Belges alors? Ça c'est de la folie ça. Là on a découvert une équipe, l'équipe de progressistes. C'est doudingue, comme je leur ai écrit après. Mais moi je savais pas que ça existait. Vraiment des gars qui sont à ce point branchés rock progressif, mais à ne pas endormir la nuit. Hein. On a passé des soirées monstrueuses. On était je crois 25 dans un mobilhome de 4 personnes. À parler de rock progressif jusqu'à des heures complètement incongrues de la nuit, à boire une bière qui s'appelle la Chimay bleue. Je connais, les bières là-bas sont absolument fantastiques. Si vous avez l'occasion d'aller à ce festival progressiste, vraiment, c'est étonnant en tout point. Silver Lining a postulé pour aller jouer là-bas. Donc c'est un des rêves de Silver Lining ainsi que le Prog Sud, on y reviendra après. Dominique, on continue notre petit parcours. Ex Vagus a joué également en première partie d'un groupe anglais dont certaines initiales commencent par B, oui. J, C'est pas CPE, c'est BJH. BJH. Des vieilles initiales. Oui, on a ouvert initiales. Pour Barclay James Harvest au Transvo, ouais. À Lyon. Il y a combien de temps? C'est il y a 2 ans déjà? Ouh là là là là là là là. Oh, il y a plusieurs années. Non, il y a plus de 2 ans. Ouais. Ah ouais. Mmh. Bah j'étais là. Hein. Comment ça s'est passé? À l'époque que le batteur était encore vivant, hein, Mel oui, Pritchard. Oui, c'est exact, ouais. Ouais. Tu m'as dit que c'était très impressionnant d'avoir ouvert. Alors, il faut préciser que c'est la moitié de Barclay, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est le guitariste. Ouais, alors, ouais. C'est, il a un nom imprononçable, j'y arriverai jamais. Ouais, ouais, bon, bah, c'est pas grave. Les Holroyd, c'est ça, non? Oui, c'est Holroyd, oui. Voilà. C'est Lee Holroyd? Lee Holroyd, voilà. Oui. Et alors, c'est un souvenir aussi Ah bah là aussi c'est des sacrés souvenirs que tu emmènes avec toi, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des souvenirs que tu photographies pas, que tu filmes pas, que tu n'écris pas, tu les prends en toi, ils sont dans ta mémoire et ils sont indélébiles. Là, avoir joué devant Barclay James Harvest alors que je me souviens les avoir vus à Lyon dans les années 70, encore une fois, bien évidemment. Comme ça, tout le monde va pouvoir calculer mon âge. Ça nous rajeunit pas. C'était la bourse du travail. Ouais, et, oui. Et je crois qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore le système du papillon laser. Et il y avait un papillon en papier qui descendait sur 2 câbles. Ouais. Ah ouais, c'était des grands moments. Ça. Ouais, très, très grands moments. Ouais. Comment ils sont très professionnels, mais distants ou au contraire très chaleureux par rapport à ces premières parties, les Anglais? Alors, les plus chaleureux dans Barclay James Harvest, ce sont les techniciens. Ouais. Parce que les techniciens, t'arrives sur scène avec ton petit matos, t'oses pas le poser. C'est surtout parce que t'as beaucoup de respect, hein. C'est surtout pour ça. Et eux, ils sont là, allez-y, installez-vous, les gars, y a pas de problème. Par contre, les musiciens, bah c'est les Anglais. Donc des Anglais, c'est des gars qui sont tip-top, qui sont à la montre, qui sont au catering à 8h03, ils sortent du catering à 8h07, ils vont aux toilettes à 8h09. Donc c'est, on peut pas vraiment avoir de contact vraiment avec eux. Ouais, d'accord. Par contre, juste avant, pendant les balances, là, ils sont très sympas, ils s'ouvrent, ils viennent te serrer la louche. Mais une fois que c'est parti, c'est parti. C'est, d'accord, ouais, très professionnel, les Anglais. Donc c'est encore un grand moment. Est-ce que t'as eu d'autres Est-ce que t'as d'autres souvenirs aussi vifs, aussi forts? Oh là oui, j'en ai plein. T'as combien d'heures d'antenne ce soir? Bah, c'est 22h24, hein. Donc, on termine à 23h. Bon, dans les très beaux souvenirs d'Ex-Vegas, il y a 6 fois la première partie de Ange. 6 fois, hein, on est battu. Silver, on a fait que 2 fois. 6 fois. D'accord. Et on va te battre encore, puisqu'on va jouer à Versailles. Mm-hmm. Avec eux au mois de novembre. On d'accord. va ouvrir pour eux à Versailles au théâtre de Montansier. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 2 fois Focus. Ah oui. Alors là, c'est. Focus, écoute, j'en ai encore des Hollandais, rien que de te le dire. 2 fois Focus dans notre vie. Alors, Arg, Iced. On a fait Ars Nova aussi. Les Japonais. Ouais. Ça, c'est impressionnant, ça. Ça, alors, c'est très impressionnant. Raconte Focus d'abord et après les Japonais ou les Japonaises. Hein, je crois que c'est des. C'est... Alors, il y a nous quand on les a fait, il y avait la clavieriste et la guitariste et la bassiste et le batteur était un Japonais. D'accord. Complètement alors... déchenillé derrière sa batterie. Écoute, je crois qu'il a pas dû toucher son tabouret pendant 2 heures. Je sais pas comment ils font ces gars-là, mais là encore, c'est vraiment des virtuoses, mais à fond, quoi. On peut pas l'être plus que ça, hein. Vraiment. Et contact, comment ça se passe avec les Japonais? Aucun contact. Aucun contact? Non, c'est des gens qui sont... La barrière de la langue. Je les ai trouvés, moi, hyper tendus avant le concert. Ah ouais. Alors que quand tu vas sur leur site web ou tu regardes leur pochette de disques, t'as l'impression que qu'ils sont dans certaines extrêmes érotiques, etc. Tu te dis mais ça doit se lâcher dans tous les coins, ce truc-là. Et pas du tout. C'est on est dans les loges, on est concentré, on en tremble, on monte sur scène, on joue, on s'en va. Ah ouais. Toujours la perfection. Ouais. Moi j'ai eu l'impression qu'ils s'amusaient pas du tout sur scène. Ah ouais. Hein. Ouais. D'accord. Et Focus alors? Les vieux de la vieille. Oh la Focus. Je sais pas comment t'expliquer. Le plus intéressant, c'est dans les loges avec Focus. Mmh. Ah ouais, c'est à la grande déconnade. Ils viennent à côté de toi, ils boivent dans ton verre. Ah ouais. Et puis ça cause en anglais, tu comprends à moitié quelque chose parce que on parle plus ou moins bien. Et eux, c'est pareil. Mmh. Avant de monter sur... Alors quand... il y a un autre truc vachement intéressant, c'est la balance. Parce que... au clavier, je pense qu'il commence à avoir sérieusement des problèmes d'audition. Donc la cabine Leslie qui est derrière, mais elle est à fond la caisse. Ce qui fait qu'il le passe même pas dans la sono tellement il joue fort. Mmh. Et lui, il est à côté. Mmh. Et puis quand il voit que ça t'intéresse, il t'appelle. Viens, comme. Et toi, tu t'approches de la cabine Leslie, tu perds 2 oreilles en 30 secondes. Ah mais non, ils sont vachement intéressants. Ah, puis ils jouent vraiment très bien. Et comment tu as décroché tous ces contrats là? C'est pas évident. Ah, hein, ces premières parties là. Tu crois pas que je vais te le dire? Ouais, pourquoi? Il voit une solidarité entre les groupes, là, quand même. Je rigole. Non, alors, comment je fais? Alors, j'ai une recette qui est très, très simple. Alors, vous prenez deux œufs. Prenez vos stylos. Ouais. Hein, alors, pour faire des bonnes pâtes, ouais, il faut des pâtes. quand j'ai monté Exagus, c'est un projet, qui était très important pour moi, qui l'est toujours autant, même voire plus maintenant, et j'y consacre une heure par jour. Ouais, moi j'en connais un autre. Hein. C'est ça mon secret. J'ai pas d'autre secret que ça. Je consacre une heure par jour à Exagus. Ouais. Voilà. Ça... Mais après les groupes sont pas toujours accessibles, disponibles, etc. Eh ben contrairement à ce que l'on croit, les groupes sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus disponibles que ce qu'on pourrait croire. Ouais, mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui vas vers eux, tu dis voilà je monte à Amsterdam, je joue, ou tu dis vous venez à Grenoble et vous jouez avec nous? Comment ça se passe en fait? Non, c'est des hasards, c'est des grandes tournées sur Internet pour savoir quels sont les concerts, quelles sont les tournées, où est-ce qu'ils passent. Et tu essaies de te raccrocher. Oui, mais tu les contactes, tu leur envoies une démo, tu leur expliques. Oui, mais en général c'est bouclé. Bon, je veux pas citer certains groupes. Non, la preuve que non. Ouais. Bon, pour Ange, ça a été plus facile pour les six fois Ange, puisqu'à l'époque, pas comment je peux résumer ça, mais en 2002 j'étais le tourneur de Ange, on va dire. Oui. Donc c'était plus facile pour moi de placer Exvagus. Ange, je connais, y a pas de souci. Voilà. Mais quand je vois des groupes anglais ou des groupes suédois, je citerai aucun nom, où j'ai fait une démarche, etc. Barclays, tiens, je peux te dire comment on a réussi à faire Barclays, c'est nos amis de Maya Kaffer, qui sont des gens de Colmar. Ouais, que je connais, oui. Qui connaissent bien le producteur de l'époque en France de Barclays, et ils voulaient pas descendre sur Lyon. Donc ils nous ont téléphoné en disant on vous donne la date. Voilà, une opportunité. Ah, d'accord. Et Ars Nova, vous avez joué où alors? Ça s'est fait. Là, c'était ça devait être au Proxol. Ah oui. Proxol 2003. Ouais, Proxol, donc en Suisse. Ouais. Quelques mots sur ce festival qui pourtant pas très loin d'ici, mais qui a l'air un petit peu discret. Tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du monde? Alors ce festival, il est discret tout simplement parce que un de ceux qui l'organisent s'appelle Patrick Becker, est très discret. De Galiléo, Est également très timide. C'est un festival qui a des moyens, qui en tout cas se donne les moyens d'être un festival à la hauteur d'un Crescendo, d'un Prog Sud ou d'un Eclipse. Il y a de moins en moins de festivals en France. Parce que celui de Sarlat n'aura pas lieu en 2006, hélas, par exemple, et ils sont en train tous de dépérir petit à petit. Proxol, c'est des passionnés. Donc il y a en 2003, quand on a joué à ce festival, c'était dans un petit garage, ça s'appelait le Culture Garage. L'année dernière, c'était au Z7. Alors je sais pas si certains auditeurs connaissent le Z7 à Pratteln, c'est à la frontière suisse. C'est une salle de l'extérieur, c'est un hangar, c'est vilain comme tout. Moi, j'ai tourné trois fois autour en me disant j'ai dû me gourer d'adresse, c'est pas possible, il y a pas une salle de spectacle là-dedans. Pour moi, c'était un truc à ranger des chars à foin, quoi. Et en fait, à l'intérieur, c'est fabuleux, quoi. Tu rentres dans un monde à la Walt Disney. Tu t'imagines même pas comment ils ont pu créer ça à l'intérieur de ce hangar. Combien de temps il faut pour de Lyon pour aller là-bas? Il faut au moins 3 heures, 3-4 heures. Ouais, j'allais dire 4 heures, moi. 4 heures, Et c'est sur 2 jours, c'est ça, non? 3 jours? L'année dernière, je crois que c'était sur 2 jours. Ouais. Sur 2 jours. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme grande tête d'affiche là-bas, à part The Watch? The Watch. Ouais. Donc moralité, il y a combien de personnes pour ça? Pardon? Au niveau public, ça tire combien de personnes? Écoute, je sais pas. 200, 300 personnes? Non, on était plus que ça. Ah, quand même? Ouais, pour The Watch, je pense qu'on était au moins 500, Et les gens viennent de Suisse et un peu de partout? Tu sais, le rock progressif, tu le sais aussi bien que moi, c'est une musique qui marche très très fort dans tout ce qui est Est. Donc à partir du moment où tu es à la frontière un petit peu de la Suisse allemande, tu vas drainer de la Belgique, tu vas drainer les Allemands, les Hollandais. Voilà, ça se mesure au litre de bière qui sont consommés, ça. D'accord. Donc ça Proxol, et donc c'était pour Ars Nova, c'est ça, que vous avez joué, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, la première partie. Et Focus, ça s'est fait où alors? Alors ça s'est fait, ça s'est fait quand il y avait Ars Nova pour une date, et la deuxième fois c'était au Spirit au 66. Ah oui, d'accord. En septembre. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous avez fait la première partie de Focus au Spirit. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Et on devrait y retourner avec The Watch au mois de décembre 2006. C'est bien, il y a une solidarité là entre les groupes qui est sympathique. Ben c'est ça le rock'n'roll, il me semble. Oh, ok. Ouais. On va, on l'espère. 22h32, vous êtes toujours sur Sol. C'est Prog à part, l'émission du rock progressif qui persiste et signe depuis 86. Ça nous fait donc 20 ans d'âge. On l'a fêté d'ailleurs, souvenez-vous.